il arrive un officier de notre aile droite. Il dit à l'empereur que nos soldats battaient en retraite. « Vous vous trompez, dit-il, c'est Grouchy qui arrive. » Il fit partir de suite dans cette direction pour s'assurer de la vérité. L'officier de retour confirma la nouvelle qu'il avait vu une colonne de Prussiens s'avancer rapidement sur nous et que nos soldats battaient en retraite. Par une conversion à droite de son armée, il arrive près de cette colonne qui fut repoussée. Mais une armée commandée par le général Blücher arrivait tandis que Grouchy la cherchait d'un côté opposé. Le centre de notre armée était affaibli par cette conversion. Les Anglais purent respirer. On ne pouvait plus envoyer de renforts à Ney qui voulait nous dire les officiers se faire tuer. L'armée prussienne était en ligne. La jonction était complète. On pouvait compter 2 ou 3 contre 1. Il n'y avait pas moyen de tenir. L'empereur, se voyant débordé, prit sa garde, se porta en avant au centre de son armée en colonne serrée. Cette manœuvre terminée, il pousse son cheval pour entrer dans le carré que commandait Cambronne. Mais tous ses généraux l'entourent. « Que faites-vous ? » criait-il. « Ne sont-ils pas assez heureux d'avoir la victoire ? » Son dessein était de se faire tuer. Que ne le laissèrent-ils s'accomplir ? Il lui aurait épargné bien des souffrances, et au moins nous serions morts à ses côtés. Mais les grands dignitaires qui l'entouraient n'étaient pas décidés à faire un tel sacrifice. Cependant, je dois dire qu'il fut entouré par nous et contraint de se retirer. Nous eûmes toutes les peines du monde à en sortir. On ne pouvait se faire jour à travers cette foule ébranlée par la peur. Ce fut bien pis quand nous fûmes arrivés à Jemappe. L'empereur essaya de rétablir un peu d'ordre parmi les fuyards. Ses efforts furent sans succès. Les soldats de tous les corps et de toutes les armes, marchant sans ordre, confondus, se heurtaient, s'écrasaient dans les rues de cette petite ville, fuyant devant la cavalerie prussienne qui faisait un hurrah derrière eux. C'était à qui arriverait le plus vite de l'autre côté du pont, jeté sur la Dyle. Tout se trouvait renversé. Il était près de minuit. Au milieu de ce tumulte, aucune voix ne pouvait se faire entendre. L'empereur, convaincu de son impuissance, prit le parti de laisser couler le torrent, certain qu'il s'arrêterait de lui-même quand viendrait le jour. Il envoya plusieurs officiers au maréchal Grouchy pour lui annoncer la perte de la bataille. Le désordre dura un temps considérable. Rien ne pouvait les calmer. Ils n'écoutaient personne. Les cavaliers brûlaient la cervelle à leurs chevaux, des fantassins se la brûlaient pour ne pas rester au pouvoir de l'ennemi. Tous étaient pêle-mêle. Je me voyais pour la seconde fois dans une déroute pareille à celle de Moscou. « Nous sommes trahis » criait-il. Ce grand malheur nous venait de notre aile droite enfoncée. L'empereur ne vit le désastre qu'arrivé à Jemappe. L'empereur quitta Jemappe et se dirigea sur Charleroi, où il arriva entre 4 et 5 heures du matin. Il donna des ordres pour tous ses équipages, avec injonction de se retirer sur Laon, parti par Aven, parti par Philippeville, où il entra vers 10 heures. Des officiers furent encore envoyés au maréchal Grouchy, avec l'ordre de se porter sur Laon. L'empereur descendit au pied de la ville. Là, il eut une grande discussion avec les généraux admis à son conseil. Les uns voulaient qu'il restât à son armée, les autres qu'il partît sans différer pour Paris. Et il leur disait « Vous me faites faire une sottise, ma place est ici !» Après qu'il eut donné ses ordres et fait son bulletin pour Paris, arrive un officier qui annonce une colonne. L'empereur envoie la reconnaître. C'était la vieille garde qui revenait en ordre du champ de bataille. Lorsque l'empereur apprit cette nouvelle, il ne voulait plus partir pour Paris, mais il y fut contraint par la majorité des généraux. On lui avait apprêté une vieille carriole et des charrettes pour son état-major. Il arrive un de ces grands officiers qui donne ordre au colonel Boissy de prendre le commandement de la place et de réunir tous les traînards. La garde nationale arrivait de toutes parts. Enfin, l'empereur se présente dans une grande cour où nous étions dans l'anxiété. Il demande un verre de vin. On le lui donne sur un grand plat. Il le boit, puis nous salue et part. On ne devait plus jamais le revoir. Nous restâmes dans cette cour sans nous parler. Nous remontâmes cette montagne très rapide dans le plus profond silence, anéantis par la faim et la fatigue. Nos pauvres chevaux eurent du mal à la montée, ayant couru 24 heures. Hommes et chevaux tombaient de besoin, sans savoir que devenir. Personne ne tenant compte de nous, nous étions bien malheureux. On réunit un peu de braves soldats qui n'avaient pas quitté leurs armes, car la plus grande partie les avait abandonnées pour se sauver. ne suivant pas les routes et fuyant à travers les plaines. Le quartier général réuni, le comte Montyon à sa tête, nous partîmes pour Avesnes, l'oreille basse. Nous arrivâmes à marche forcée à la forêt de Villers-Cotterêts. À la sortie de cette grande forêt, nous longeâmes la nuit chez un médecin. Le comte Montyon me dit « Mon brave, il ne faut pas desceller vos chevaux, car l'ennemi pourrait venir nous surprendre pendant la nuit. Je suis sûr qu'ils sont à notre poursuite. Il ne faut pas nous déshabiller. » Je plaçai tous nos chevaux. Heureusement, je trouvais du foin dans cette maison. Les domestiques furent consignés à l'écurie, bride au bras. J'en mets un en faction pour prévenir le général et rentre près de lui. Après avoir soupé, je priai le général d'ôter ses bottes pour se reposer. « Non, me dit-il. Je tire un matelas. Mettez-vous là-dessus. Vous reposerez mieux que sur une chaise. Je vais veiller avec les domestiques. Restez tranquille, je vous préviendrai. » À 3 heures du matin, les Prussiens attaquèrent Villers-Cotterêts. Ils débouchaient par la grande route, ayant coupé à droite pour nous enfermer dans la ville. C'est ce qui nous sauva. Ils tombèrent sur notre parc et ils firent un carnage épouvantable. À ce bruit, je fais brider et sortir les chevaux et cours prévenir mon général. « À cheval, général, l'ennemi est en ville !» C'est là qu'il faut voir des domestiques alertes. Les chevaux étaient arrivés aussitôt que moi à la porte. Le général descend l'escalier et monte à cheval ainsi que moi. « Par ici, nous dit-il, suivez-moi !» Il prend la gauche dans une allée à perte de vue qui longe la forêt et la belle plaine. Avec 3 minutes de retard, nous étions pincés. À 2 portées de fusil derrière nous étaient des pelotons de fantassins qui posaient des factionnaires partout. Lorsque nous fûmes arrivés au bout de la grande avenue, le général mit pied à terre pour souffler et délibérer. Ensuite, nous partîmes pour Meaux. La désolation régnait de toutes parts. Nos déserteurs arrivaient, la plus grande partie sans armes, c'était navrant à voir. Meaux était tellement encombré de troupes qu'il fallut partir pour Claye. Là, nous trouvâmes le pays désert. Tous les habitants avaient déménagé. C'était comme si l'ennemi y avait passé. Tout le monde rentrait dans Paris avec ce qu'il avait de plus précieux. Les routes étaient encombrées de voitures. Ils avaient tout renversé dans leurs maisons. L'ennemi n'en aurait pas fait davantage. Nous arrivâmes aux portes de Paris par la porte Saint-Denis. Toutes les barrières étaient barricadées. La troupe campait dans la plaine des Vertus et au but Saint-Chaumont. Le quartier général était au village de la Villette, où le maréchal Davoust s'établit. Il était ministre de la guerre, général en chef. Enfin, il était tout. On peut dire qu'il gouvernait la France. Toute notre armée était donc réunie au nord de Paris, dans cette plaine des Vertus où le maréchal Grouchy arriva avec son corps d'armée qui n'avait pas souffert. On nous dit qu'il avait 30 000 hommes. Le grand quartier général était réuni à la Villette, près du maréchal Davoust. Comme j'étais vague-maître, j'avais le droit de me présenter tous les jours pour recevoir les ordres et assister aux distributions. Là, je voyais arriver toutes les députations, généraux et matadors en habits bourgeois. De grandes conférences se tenaient nuit et jour. Je dois dire à la louange des Parisiens que rien ne nous manquait. Ils envoyaient de tout, même des cervelas et du pain blanc à l'état-major. Le matin, à 4 et 5 heures, je voyais ces braves gardes nationaux monter sur les murs de clôture de l'enceinte de Paris, prendre à gauche du village pour ne pas se faire arrêter, et se porter sur la ligne pour faire le coup de fusil avec les Prussiens. Tous les jours, je voyais ce mouvement. Le 29 ou le 30 juin, je dis à mon domestique « Donne l'avoine à mon cheval, selle-le, je vais voir les gardes nationaux. » Je pars bien armé. J'avais 2 pistolets dans les fontes. Ils étaient carabinés. Il fallait un maillet pour les charger et porter la balle loin. Il m'avait coûté 100 francs. Sur le terrain de cette plaine des Vertus, j'avais la vieille garde à ma droite et les gardes nationaux à ma gauche. J'arrive près nos derniers factionnaires qui étaient en première ligne, l'arme au bras. Je leur parlais. Ils étaient furieux de leur inaction. « Point d'ordre, disaient-ils, les gardes nationaux font le coup de fusil. Et nous, nous avons l'arme au bras. Nous sommes trahis, capitaine. Non, mes enfants, vous recevrez des ordres, prenez patience. Mais on nous défend de tirer. Dites-moi, mes braves soldats, je voudrais passer la ligne. Je vois là-bas un officier prussien qui fait ses embarras. Je voudrais lui donner une petite correction. « Si vous me permettez de passer, ne craignez rien de moi. Je ne passe point à l'ennemi. Passez, capitaine. » Je vois derrière moi 4 beaux messieurs qui m'abordent. L'un d'eux vient près de moi et me dit « Vous venez donc sur la ligne en amateur ?»« Comme vous, je pense. »« C'est vrai, me dit-il, vous êtes bien monté. » »« Et vous de même, monsieur. » Les 3 autres appuyèrent à droite. Que fixez-vous là, me dit-il encore, sur la ligne des Prussiens? C'est l'officier là-bas qui fait caracoler son cheval. Je voudrais aller lui faire une visite un peu serrée. Il me déplaît. Vous ne pouvez l'approcher sans danger. Je connais mon métier. Je vais le faire sortir de sa ligne et le faire fâcher, si c'est possible. S'il se fâche, il est à moi. Je vous prie, monsieur, de ne pas me suivre. Vous dérangeriez ma manœuvre. Retirez-vous plutôt en arrière. Eh bien, voyons cela. Je pars bien décidé. Arrivé au milieu des deux lignes, il voit que je marche sur lui. Il croit sans doute que je passe de son côté et sort de sa ligne pour venir au-devant de moi. À 100 pas des siens, il s'arrête et m'attend. Arrivé à distance, je m'arrête aussi, et tirant mon pistolet, je lui fais passer ma balle près des oreilles. Il se fâche, me poursuit. Je fais demi-tour. Il ne poursuit plus et s'en retourne. Je fais alors mon à gauche et fonds sur lui. Me voyant de rechef, il revient sur moi. Je lui envoie mon second coup de pistolet. Il se fâche plus fort, il me charge. Je fais demi-tour et je me sauve. Il me poursuit à moitié de la distance des deux lignes, en furieux. Je fais volte-face et fonds sur lui. Il m'aborde et m'envoie un coup de pointe. Je relève son sabre par-dessus sa tête, et de la même parade, je lui rabats mon coup de sabre sur la figure, de telle sorte que son nez fut trouvé son menton. Il tomba raide mort. Je saisis son cheval et revins, fier, vers mes petits soldats qui m'entourèrent. Le bel homme, qui suivait tous mes mouvements, vint au galop au-devant de moi. « Je suis enchanté, dit-il. C'est affaire à vous. Vous savez vous y prendre. Ce n'est pas votre coup d'essai. Je vous prie de me donner votre nom. Pourquoi faire, s'il vous plaît? J'ai des amis à Paris. Je voudrais leur faire part de cette action que j'ai vue. À quel corps appartenez-vous? À l'état-major général de l'empereur. Comment vous nommez-vous? Coignet. Et vos prénoms? Jean Roc. Et votre grade? Capitaine. » Il prit son calepin et écrivit. Il me dit son nom. Boret ou Bory. Il prit à droite du côté des buttes Saint-Chaumont, où se trouvait la vieille garde. Et moi, je rentrai au quartier général avec mon cheval en main, bien fier de ma capture. Tout le monde de me regarder. Un officier me demande d'où vient ce cheval. C'est un cheval qui a déserté, qui a passé de notre côté. Je l'ai agrafé en passant. Bonne prise, dit-il. Arrivé à mon logement, je fis donner l'avoine à mes chevaux et vérifiai ma capture. Je trouvai un petit porte-manteau avec du beau linge et les choses nécessaires à un officier. Je fis desceller ce cheval et je le vendis. Comme j'en avais 3, cela me suffisait. Je fus à l'état-major prendre un air de bureau. Je trouvai beaucoup de monde près du maréchal. Les uns sortaient, les autres arrivaient. Toute la nuit, ce ne fut que conférence. Le lendemain, 1er juillet, nous eûmes l'ordre de nous porter au midi de Paris, derrière les Invalides, où l'armée se réunit dans de bons retranchements. Je m'y rendis après avoir été prendre les ordres de mon général. Il me fit partir avec son aide de camp et ses chevaux. « Partez, dit-il, Paris est rendu. L'ennemi va en prendre possession. Ne perdez point de temps, tous les officiers doivent sortir de Paris. Vous seriez arrêtés. Allez rejoindre l'armée qui se réunit du côté de la barrière d'enfer, et là vous recevrez des ordres pour passer la Loire à Orléans. » Arrivé à la barrière d'enfer, où l'armée était réunie, je trouvai le maréchal Davoust à pied, les bras croisés, contemplant cette belle armée qui criait « En avant !» Lui, silencieux, ne disait mot. Il se promenait le long des fortifications, sourd aux supplications de l'armée qui voulait marcher sur l'ennemi. Nos soldats voulaient se porter sur l'ennemi, qui avait passé la Seine, une partie sur Saint-Germain, l'autre sur Versailles, tandis que nous n'avions que le Champ de Mars à traverser pour gagner le bois de Boulogne. Avec notre aile gauche sur Versailles, il ne serait resté pas un Prussien ni un Anglais devant la fureur de nos soldats. Le maréchal Davoust ne savait quelle partie prendre. Il fit appeler les généraux de la vieille garde et donna l'ordre au général Drouot de montrer l'exemple à l'armée, disant qu'il ferait suivre son mouvement et partir sur le champ pour Orléans. Notre sort fut ainsi décidé. Les vieux braves partirent sans murmurer. Le mouvement commença, notre aile droite sur Tours et l'aile gauche sur Orléans. Les ennemis formèrent de suite notre arrière-garde, et ils eurent la cruauté de s'emparer des hommes qui rejoignaient leur corps, et de les dépouiller ainsi que les officiers. À notre première étape, ils nous serraient de si près que l'armée fit demi-tour et tomba sur leur avant-garde. On les poursuivit, ils ne furent plus si insolents, et ne nous suivirent que de loin. Nous arrivâmes dans Orléans sans être poursuivis. Nous passâmes le pont sur la Loire, et on établit le quartier général dans un grand faubourg qui se trouvait presque désert. Les habitants étaient rentrés en ville, et nous manquions de tout. Quand nous fûmes installés, on s'occupa de barricader le pont par le milieu avec des poteaux énormes et deux portes à résister contre une attaque de vive force. Puis on mit la tête du pont dans un état de défense, toute hérissée de pièces d'artillerie. Nous restâmes tranquilles pendant quelques jours. Ces deux énormes portes s'ouvraient à volonté pour aller aux vivres. Nous fûmes obligés d'aller en ville pour en chercher. Nous trouvâmes une pension à l'entrée de la grande rue, et tous les jours il fallait faire ouvrir les portes, mais cela ne dura pas longtemps. On voyait le grand maréchal derrière ses batteries, les bras derrière le dos, bien soucieux. Personne ne lui parlait. Ce n'était plus ce grand guerrier que j'avais vu naguère sur le champ de bataille, si brillant. Tous les officiers le fuyaient. S'il avait voulu, sous les murs de Paris, lui qui était le maître des destinées de la France, il n'avait qu'à tirer son épée. Un matin donc, comme à l'ordinaire, nous partîmes à 9 heures pour nous rendre à notre pension pour déjeuner. Arrive le traiteur qui nous dit « Je ne puis vous servir, j'ai ordre de me tenir prêt à recevoir les alliés qui sont aux portes et vont faire leur entrée. Les autorités leur ont porté les clés de la ville. » Au même instant, on crie « Aux Cosaques !» Nous sortîmes le ventre creux. À peine dans la rue, nous vîmes la cavalerie qui marchait en bataille, au petit pas, et une foule immense de peuples de tous sexes, hommes et femmes. Ce coup d'œil faisait frémir. Toutes les dames richement vêtues, avec de petits drapeaux blancs d'une main et le mouchoir blanc de l'autre, formaient l'avant-garde en criant « Vive nos bons alliés !» Mais la foule fut pressée par cette cavalerie contre le pont et passa nos portes. Puis l'ennemi posa ses factionnaires. Les portes se fermèrent et chacun chez soi, de chaque côté des palissades. Quant aux mouchoirs blancs et aux petits drapeaux, nos soldats s'en emparèrent, et bras dessus, bras dessous, les emmenèrent dans leur logement. Des maris voulurent s'y opposer, mais les soldats, pour toute réponse, leur envoyaient un soufflet. Il fallut subir la loi du plus fort, et les maris de repasser la Loire, dans des barques pour rejoindre leurs chers alliés, comme ils les appelaient. Leurs femmes passèrent la nuit de notre côté, il leur fallut retourner en bateau. Le maréchal ne souffla mot, tout alla le mieux du monde. Peines et plaisirs se passent avec le temps. Nous reçûmes l'ordre de porter le quartier général à Bourges, et le maréchal d'Avoust s'y installa, mais ce ne fut pas de longue durée. N'étant pas le favori de Louis XVIII, il fut dégommé par le maréchal Macdonald, qui prit le commandement de l'armée de la Loire. D'Avoust vint faire sa soumission au roi, mais il fut le premier licencié. Le maréchal Macdonald arriva avec un brillant état-major, dont le chef était le comte Hulot, qui n'avait qu'un bras, et deux aides de camp décorés de la croix de Saint-Louis. Je me rendais tous les jours chez le maréchal pour prendre ses ordres, et de là à la poste prendre les dépêches. J'arrivais toujours tard et trouvais le maréchal à table. Il vient un de ses aides de camp qui me demande mon paquet de dépêches. « Je ne vous connais pas, lui dis-je. Dites au maréchal que son vague-maître l'attend à la porte. Mais le maréchal est à table. Je vous dis que je ne vous connais pas. Il va rendre compte au maréchal de ma résistance. Faites-le entrer. Je vais près de lui, chapeau bas. Il se lève pour recevoir son paquet et me dit « Vous connaissez votre service. Vous avez bien fait de répondre ainsi à mon aide de camp. Je vous remercie, mon brave. » Cela n'arrivera plus. Vous le ferez entrer toutes les fois qu'il se présentera avec mes dépêches. Il ne doit les remettre qu'à moi. Vous avez été en Russie? Partout, monsieur le maréchal. Je vous ai porté quelquefois des dépêches de l'empereur. J'appuyais sur ce mot, et ses nobles aides de camp me regardaient. Le maréchal reprend. Il a fait la guerre, ce capitaine. De quel corps sortez-vous? De la vieille garde, depuis 1803 après mes 4 campagnes. « C'est bien, me dit-il, je vous garderai près de moi tout le temps nécessaire à votre service. » Et nos lettres, dirent les aides de camp, et le comte Hulot. « Toutes vos lettres sont dans le paquet. » Je fais mon paquet à la poste, et ce qui fait partie de l'état-major est sous le couvert du maréchal. « Et moi, monsieur le capitaine, dit la demoiselle du maréchal, n'y en a-t-il pas pour moi ?»« 3, mademoiselle. Il faudra m'en apporter tous les jours. Papa, tu paieras tout cela. »« Oui, cher ami, le capitaine me remettra sa note, que je paierai. » La poste arrive bien tard, à 5 heures. Ce fut tous les jours la même répétition en 1815. L'armée fut licenciée et reformée en régiments qui portaient le nom de chaque département. Celui de Lyon était commandé par le marquis de Ganay, parfait colonel. J'ai eu l'occasion de le connaître à Auxerre. J'étais chargé de faire toutes les distributions chaque jour, et pendant le temps que je restais à Bourges, je fis distribuer 200 000 orations par rang de grade. Je ne pouvais souvent donner que l'admiration, alors il me fallait des gendarmes pour maintenir l'ordre. Le maréchal me garda près de lui le plus longtemps qu'il put, mais on lui intima l'ordre de me renvoyer dans mes foyers à demi-solde. Le 1er janvier 1816, le maréchal me fit appeler. « Vous m'avez fait dire de venir vous parler ? » Oui, mon brave, je suis forcé de vous renvoyer dans vos foyers à demi-solde. Je regrette sincèrement de vous faire partir, mais j'en ai reçu l'ordre. J'ai tardé le plus possible. Je vous remercie, monsieur le maréchal. Si vous voulez rejoindre le dépôt de Lyon et reprendre du service, je vous ferai avoir la compagnie de grenadiers. Je vous remercie, j'ai des affaires à terminer à Auxerre. Et puis j'ai 3 chevaux, dont je voudrais me débarrasser. Je vous demanderai d'aller à Paris pour les vendre. Je vous l'accorde avec plaisir. Je n'ai besoin de permission que pour 15 jours. Mes chevaux sont de prix, je ne les vendrai bien qu'à Paris. Vous pouvez partir d'ici. Je désirerais passer par Auxerre. Je vous donne toute permission. Je pris congé, lui fis mes adieux, ainsi qu'au comte Hulot. En sortant du palais, je me dis, « Voilà de belles étrennes, il faudra se serrer le ventre avec la demi-solde. » Je dois dire que je n'eus jamais qu'à me louer des bontés du général. Le 4 janvier, je partis de Bourges. Le 5, j'arrivai à Auxerre avec 3 beaux chevaux. À l'hôtel de ville, je pris mon billet de logement pour 5 jours au Faisan. Là, je trouvai une table d'hôte où le marquis de Ganay prenait ses repas. Je fus invité à sa table pour mes 3 francs par dîner. C'était trop cher pour ma petite bourse. Avec 73 francs par mois, on ne peut dépenser 90 francs pour dîner. Sans compter mon domestique et mes 3 chevaux. Je ne pus recommencer et je pris toutes les mesures d'économie. J'écrivis à mon frère à Paris de me faire passer 200 francs pour nourrir mes chevaux, lui disant qu'aussitôt qu'ils seraient vendus, je lui en donnerais le prix. Je reçus de suite les 200 francs et partis pour Villefargeau, faire emplette d'une voiture de foin, de paille et d'avoine. Car l'auberge m'avait ruiné. En 6 jours, mes 3 chevaux, moi et mon domestique, me coûtèrent 60 francs. Je fis une visite à Carolus Montfort, aubergiste à côté de mon hôtel, qui me fit ses offres de service. « Venez chez moi, me dit-il, je vous logerai, vous et vos chevaux, et ne vous demanderai que 60 francs par mois. Vos chevaux seront seuls, et vous vivrez à la table d'hôte. C'est une affaire convenue, lui dis-je. Je vais faire venir tous les fourrages chez vous. Je me rappelle de vous en 1804. Vous logeâtes chez mon père. C'est vrai, mon ami, mais 60 francs, c'est bien dur. Je n'ai que 73 francs par mois. Il faut renvoyer votre domestique, mon garçon d'écurie, pensera vos chevaux. Avec 3 francs par mois, vous en serez quitte. Je vous remercie, lui dis-je, je suis content. Me voilà donc installé chez cet excellent homme. Le 7 janvier 1816, je fus chez le général Boudin. Général, me voilà rentré sous vos ordres. Le maréchal MacDonald m'a donné une permission de 15 jours pour aller à Paris vendre mes chevaux. Je vous défends de sortir d'Auxerre. Mais général, j'ai la permission. Je vous répète que je vous défends de sortir de la ville. Mais général, je n'ai point de fortune. Comment vais-je faire pour les nourrir? Cela ne me regarde pas. Quel parti prendre? Laissez-moi tranquille. Si vous ne pouvez pas les vendre, il faut leur brûler la cervelle. Non, général, je ne le ferai pas. Ils mangeront jusqu'à ma vieille redingote, et je ne leur ferai point de mal. J'en ferai plutôt cadeau à mes amis. Je pris congé et me retirai bien consterné. Mais je ne m'en vantais pas et gardai le silence le plus absolu. Rentré dans mon logement, je renvoyai de suite mon domestique. Mais ce n'était que le prélude. Je ne me doutais pas que j'étais sous la surveillance de tous les dévots de la vieille monarchie. Installé chez Carolus Montfort, je formais le noyau de sa table d'hôte. Le régiment de Lyon était caserné à l'hôpital des Fous, porte de Paris. Il vint 16 ou 17 officiers qui s'arrangèrent pour le prix de la pension. Et me voilà doyen de cette table. Il fallut faire connaissance avec ces nouveaux arrivants. Il se trouvait parmi eux un vieux capitaine de vieille date, à cheveux gris, qui se mettait toujours en face de moi à table. Je voyais qu'il désirait faire ma connaissance et n'avait pas l'air à son aise avec ses jeunes officiers. Parmi eux, un nommé de Tourville, sous-lieutenant sortant des gardes du corps, et un nommé Saint-Léger, ancien sergent-major dans la ligne, qui avait été trouver le roi à Gand, se déboutonnèrent du beau rôle qu'ils avaient joué dans l'affaire du maréchal Ney. Ils se vantèrent d'avoir été travestis en vétérans pour le fusiller au Luxembourg. Je ne me possédais plus. J'étais prêt à sauter par-dessus la table. Je me retins, me disant, « Je vous pincerai au premier jour. » Le vendredi, Madame Carolus nous sert un plat de lentilles pour légumes. Voilà mes antagonistes qui jettent feu et flamme. Ils voulaient prendre le plat et le faire passer par la croisée. Je leur dis doucement, « Messieurs, il faut voir ce que décide votre vieux capitaine. Je m'en rapporte à lui. » Le vieux capitaine goûte les lentilles. « Mais messieurs, elles sont bonnes. Nous n'en voulons pas. Eh bien, leur dis-je, si je vous les faisais manger confites dans mon ventre pendant 24 heures, que diriez-vous? Et si je vous faisais faire le tour de la ville avec un fouet de poste, ça ne vous va pas? Il faudrait pourtant en passer par là. Vous m'avez compris, ça suffit, je vous attends sous l'orme. » mais j'attendis en vain. J'avais affaire à des plats d'étain qui ne peuvent supporter le feu. Le vieux capitaine me serra la main. Je reçus l'invitation de me présenter tous les dimanches chez le général pour assister à la messe comme mes camarades, et de là chez le préfet. C'était l'étiquette du jour, il fallait se faire voir. Comme nous étions beaucoup d'officiers, le salon du général se trouvait plein. Moi, je formais l'arrière-garde, je restais dans l'antichambre. Je me donnais garde d'aller faire ma courbette, j'avais été trop bien reçu. Enfin, au bout de plusieurs dimanches, je fus aperçu par le général qui tournait le dos à son feu. Me voyant, il m'appelle « Capitaine, approchez, mon brave !» J'arrive chapeau bas. « Que me voulez-vous, général ?» Je fais en ce moment un tableau pour porter les officiers qui veulent reprendre du service. J'ai ordre de les désigner. Si vous voulez, je me charge de vous faire avoir une compagnie de grenadiers. « Je vous remercie, général. Le maréchal MacDonald me l'a offert, j'ai refusé. » Tous mes camarades ne soufflaient mot. Il s'en trouva un plus hardi, le capitaine de gendarmerie Glachan, qui dit « Voyez ce vaguemestre qui est revenu couvert d'or. » Me voyant apostrophé de cette manière, je m'avance devant le général et relevant mon gilet. « Voyez, général, comme je flotte dans mes habits. Voyez le gendarme qui a trois boutons à son habit, qu'il ne peut boutonner tant il est gras. Allons, allons, capitaine. Je ne le connais pas. Ce n'est pas à lui de me parler, qu'il s'en souvienne. » Je rentrai chez moi, suffoqué de colère. J'aurais voulu être encore en Russie. Au moins j'avais mes ennemis devant moi, tandis qu'ici ils sont partout dans mon pays. Vers ce temps, il arriva chez Carolus, un armurier, poursuivi pour propos séditieux. Je m'attachai à cet homme. J'en fis mon ami, il se nommait Jacoud. Je demeurai chez lui à la sortie de mon hôtel, je n'eus qu'à m'en louer. Un soir, je rentre chez moi à 11 heures. Je prends ma lanterne pour aller voir mes chevaux avant de me coucher. Ce que je faisais toujours... Mon écurie donnait dans la rue du collège et j'entrais par l'intérieur de la cour. Je trouve mes trois chevaux couchés. Je leur parle tout. « Vous voilà donc couchés, mes bons amis ?» J'entends alors marcher près de la porte de l'écurie. Je défais les deux verrous. Je vois une patrouille arme au pied qui m'écoutait. J'ouvre la porte et leur dis « Voilà les personnes à qui je parle. » Un peu confus, l'officier fait porter les armes et continue son chemin. « Mon Dieu, me dis-je, je suis donc surveillé ?» Tous les jours, j'allais au café Milon, passer mes soirées et voir faire la partie des vieux habitués. Je fis connaissance de M. Ravenot Chaumont. Cet excellent homme me prit en amitié. Après avoir pris sa demi-tasse de café, il me disait « Allons, capitaine, faire notre petite promenade. » Nous sortions par la porte du temple, nous allions par des sentiers détournés contempler les vignes. Je me croyais seul avec mon ami, mais pas du tout. Nous aperçûmes un homme couché à plat ventre sous les pampres de vignes, qui nous écoutait parler. La police était alors contre moi. Je ne tardai pas longtemps à en sentir les premières étincelles. Je fus invité à passer à l'hôtel de ville pour me présenter devant le maire, M. Blandaveau, grand et aimable magistrat. Je n'ai qu'à me louer de son accueil, toujours bienveillant. « Vous êtes dénoncé, me disait-il, il faut faire attention. Vous avez tenu des propos contre le gouvernement. Je vous jure sur l'honneur que c'est faux. Je renie la dénonciation et le dénonciateur. Faites-moi me justifier devant la femme. » Mettez-moi en présence de lui, je ne vous demande ni grâce ni protection. Si je suis coupable, faites-moi arrêter. Vous êtes le maître. Allez, je vous crois, faites attention. Le lendemain, je me présente au café. Je retrouve mon ami Revenot. Nous sortîmes ensemble. Arrivé sur la route de Courson, je lui dis « Il ne faut pas prendre les petits sentiers, nous pourrions trouver des espions cachés dans les vignes. Suivons la route, car hier l'agent de police est venu me chercher pour paraître devant le maire, qui m'a renvoyé. » Nous n'avons pourtant pas dit un mot de politique. Ce sont des gens qui font ce métier-là pour gagner de l'argent. Qui donc est cet agent? J'ai demandé son nom. Il se nomme Monbon. Il est grand, culotte courte, des mollets comme un chevreuil, et une loupe au coin de l'oreille. Les amateurs de beaux chevaux venaient voir les miens. Enfin, un nommé Sigala, vétérinaire, me fit vendre mon beau cheval de bataille, 924 francs, au fils Robin, de la poste aux chevaux. Il m'en avait coûté 1 800. Il fallut passer par là. Il m'en restait encore deux. Lorsque le 60e de Lyon eut l'ordre de partir d'Auxerre pour prendre garnison à Auxonne, je reçus une lettre du chirurgien-major. « Mon brave capitaine, vous pouvez amener vos deux chevaux. Je les crois vendus si le prix vous convient. 1200 francs et 80 francs pour le voyage. Si cela vous arrange, vous nous trouverez à Dijon. Nous sommes là pour le passage de la duchesse d'Angoulême. Le major en prend un, le commandant l'autre. Vous descendrez au Chapeau-Rouge, c'est là qu'il loge. »